Chapitre 5e. Réflexion. Dutilleul regagna son bureau en milieu d'après-midi et passa le mot à Patricia Martineau, son assistante depuis de nombreuses années, de ne pas le déranger. La bouilloire remplie d'eau l'attendait sagement à sa place. Dutilleul sortit une boîte joliment ouvragée, dernier cadeau en date de Mado, la femme de sa vie. À l'intérieur, il y avait une sélection des thés qu'il préférait. Comme souvent, mais cela n'avait guère d'importance, à ses yeux, il n'avait pas déjeuné. Aussi opta-t-il pour un thé vert japonais. À tout hasard, il ouvrit son premier tiroir de bureau, côté droit, et découvrit un paquet de biscuits diététiques. Il était certain de ne pas l'avoir acheté. Dutilleul examina l'emballage. Apparemment, les biscuits se présentaient sous forme de gros carrés parfumés aux écorces de citron. Il appuya aussitôt sur l'interphone, se doutant un peu de leur provenance. « Patricia, pourriez-vous venir un instant ?» Une voix légèrement lointaine lui répondit « J'arrive tout de suite. » La porte capitonnée qui séparait les deux bureaux s'ouvrit silencieusement. Patricia, comme à son habitude, referma la porte soigneusement. En se retournant, elle comprit immédiatement de quoi il s'agissait, aussi choisit-elle de prendre les devants. « Je les ai goûtés et ils sont très bons, bien qu'un peu secs à mon goût. J'ai donc pensé qu'ils se marieraient idéalement avec votre thé. » « Comment avez-vous su que je n'avais pas déjeuné ?»« Monsieur, sans vouloir vous offenser, il est de notoriété publique que vous ne déjeunez jamais quand vous revenez de Fleury. » »« Au fait, il avait donc tant à vous dire, ce monsieur Boucharif ?»« Curieusement, oui. » »« Monsieur Castex a demandé si vous pouviez lui accorder un moment, en fin d'après-midi. »« Je suis à sa disposition, s'il le souhaite. » Henri Castex était à présent le chef direct de Dutilleul, et celui-ci en était heureux, même s'il n'avait pas eu à souffrir de sa collaboration avec Nicolas Viard, son hiérarchique précédent. Si les premiers échanges s'étaient révélés difficiles, Dutilleul avait trouvé un soutien en ce dernier, soutien qui s'était révélé décisif. Les deux hommes avaient beaucoup appris l'un de l'autre, et si Nicolas Viard n'était pas resté très longtemps en poste, tous deux avaient fini par beaucoup s'apprécier. Avec Henri Castex, c'était différent. Dutilleul le connaissait depuis des lustres, et ils avaient déjà eu l'occasion de travailler ensemble, même si Castex accusait un plus grand nombre d'années. Castex avait été très grièvement blessé lors d'une banale opération de police qui avait mal tourné. Dutilleul avait été l'un des rares à non seulement garder le contact, il avait essayé de passer à l'hôpital au moins une fois par semaine, mais plus important, il l'avait soutenu dans l'épreuve. Castex avait été long à se remettre, si jamais on pouvait se remettre tout à fait de se faire tirer dessus, et Dutilleul était heureux de le voir retourner aux affaires. « Monsieur Castex m'a assuré lui-même qu'il pouvait attendre que vous ayez bu votre thé et mangé, disons, deux gâteaux, » dit Patricia Martineau d'un air mutin. « Patricia, vous n'êtes pas ma mère, » tenta de se rebeller Dutilleul. « Non, » lui répondit-elle du tac au tac, « en fait, je suis bien pire. Corruptrice. Pour la peine, vous allez m'établir une feuille de frais que je porterai tout à l'heure à Castex. »« Monsieur, » répondit Patricia faussement horrifiée, « vous n'allez tout de même pas mettre en branle toute la bureaucratie administrative pour le remboursement d'un simple paquet de biscuits. Au contraire, j'y tiens absolument. Premièrement, parce que je ne souhaite pas que l'on dise dans mon dos que je vous ôte le pain de la bouche. Et deuxièmement, pour voir combien de temps cela va prendre. Vous me tenez quitte pour les intérêts ? Monsieur, je me retire, mais sachez que je suis très offensé. » Patricia sortit sans bruit, assez contente d'elle-même. Elle savait comme personne que ses joutes verbales avaient pour vertu de détendre son supérieur. Aussi les multipliait-elles à dessein. C'était un test. Tant que l'animal avait la force de répondre, tout n'allait finalement pas si mal. Dutilleul ne pouvait s'empêcher de repenser à ce que lui avait dit Boucharif. Jamais il ne l'avait vu si sincère. Dutilleul avait fait sa connaissance quand celui-ci n'avait même pas 15 ans. Mais il s'en rappelait encore aujourd'hui, avec une acuité toute particulière. Pourquoi ? Parce que le garçon lui avait paru d'emblée d'une intelligence peu commune. Il s'était fait coincer pour un vol, et contrairement à l'habitude en de pareilles circonstances, il n'avait pas cherché à nier sa responsabilité. Il avait dérobé une voiture téléguidée pour l'offrir à ses frères. Quand Dutilleul lui avait demandé pourquoi, Le garçon s'était redressé de toute sa hauteur et avait répondu d'un ton plein de rage. « Parce qu'il y en a marre de ne jamais rien avoir de neuf à Noël. » Curieusement, cette franchise inattendue avait touché du tilleul, et l'enquête sociale n'avait fait, hélas, que confirmer la réalité de la situation. Saïd et Latifa Boucharif n'étaient pas considérés comme pauvres, mais leurs moyens leur permettaient juste de payer le loyer et nourrir leurs 8 enfants sans rien demander à personne. Le peu qui restait partait dans les cahiers, quelques vêtements. Les jouets de Noël étaient achetés dans des vides-greniers. Dutilleul n'avait pas été le seul à s'émouvoir. Malik Boucharif s'en était sorti avec des travaux d'intérêt général au service nettoyage de la ville. Tous ceux qui l'avaient côtoyé à cette époque s'accordaient à reconnaître qu'il s'était bien comporté. Il se présentait toujours à l'heure, accompagné de son grand frère, Brahim, en fait le second de la fratrie, et il se montrait poli. Du coup, les hommes de la voirie n'avaient pas été très longs à adopter ce gamin long comme un haricot, d'autant plus qu'il ne rechignait pas à la tâche. Les hommes apprécièrent ce renfort bienvenu, et Malik s'en fit de solides amis. Dutilleul avait espéré un avenir un peu meilleur pour ce gamin qui l'avait tant désarmé par sa franchise, mais les réalités économiques l'avaient rattrapé. Il s'était mis à trafiquer comme tant d'autres avant lui. Le père avait beau s'échiner à la tâche, il fallait se rendre à l'évidence, cela ne suffisait pas. Alors, discrètement d'abord, puis tout à fait ouvertement, Malik Boucharif avait été mis à contribution. Les biscuits carrés étaient bons et se mariaient effectivement très bien avec le thé. Il n'était pas trop sucré, et quand il eut fini son goûter improvisé, Dutilleul se sentit mieux. Il pouvait à présent se rendre chez Henri Castex.